un stylo, une feuille. Appelle-moi mélancolie. De l'encre va couler à défaut de larmes à la folie. J'ai aimé, je suis bafoué. Je vis de musique et d'eau fraîche. J'ai son couteau dans un bras, mon cœur dans l'autre. Appelez le juge. J'ai la pièce à conviction, je l'affirme. L'amour a voulu me laisser sur le carreau. Je me suis fait braquer, on m'a pris ma fierté d'homme. On voulait m'arracher mon âme. Je me suis échappé, on m'a viré de mon cœur. La plaie est ouverte, regardez, je suis vidé. Je peux pas exposer ma rancœur. Je suis comme dépendant d'une drogue où aucune cure n'est possible. Le mal est dans le sang, dans le cœur, dans le corps. J'ai aimé comme si ça finissait demain. Un suspense rarement conclu par une happy end. Une mélodie, un air de soul. Un visage pâle, c'est plus moi qui parle. C'est juste l'encre qui coule. Le jour où j'ai aimé, l'amour c'est la lueur des soirs qui effacera ton désespoir. Laisse faire le temps. J'ai fléchi le jour où j'ai aimé. Mes souvenirs meublent mes jours. Je vais déménager et tout laisser à la fourrière. Y'a du sang sur les murs et de la sueur dans mes mots. C'est le stress, je ne suis plus moi. Au bout d'un moment, l'amour c'est un terrain miné où on marche des yeux fermés en croyant que toutes les bombes sont désamorcées. J'entends un craquement, s'accélèrent les battements. Les minutes sont longues, les paroles sont lourdes. Il y a un long passage à vide et ça explose. On voit ces songes en fumée, appeler les pompiers. Le volcan a jeté ses flammes, je brûle. On verse d'alcool sur mes plaies ouvertes. On vient de kidnapper mes rêves. Je donnerai tout pour m'échapper de là. Mais l'amour affaiblit même les plus forts. Regarde Mesrine. On se tue à aimer et on peut tuer par amour. Le jour où j'ai aimé, l'amour c'est la lueur d'espoir qui effacera ton désespoir. Laisse faire le temps. Je fléchis le jour où j'ai aimé. Je veux vivre, même blessé. Je me relève quand je glissais. Je veux le sentir venir, je garde les yeux plissés. Je voulais que ma vie soit pisse et que les médisances éclipsent. Le coupable de mon déclin, je sais qui c'est. La sensation d'être sourd alors que les mots pénètrent. Se rendent aveugle par peur de voir le vrai. J'ai fléchi, je n'étais plus moi. Quand je réfléchis, il est trop tard. Je divague déjà seul sur le boulevard. Je ne veux plus, car je flippe. C'est pas un caïd ou un mec de cité qui te cause, c'est juste un homme. Je suis balafré mais c'est invisible. Car les grandes douleurs sont muettes, y'a que mes mots qui sont lisibles. Le cœur du problème, c'est un problème de cœur. L'amour, à quelques mots près, rime avec mort. Je suis blasé, je suis un jeune vieux. Je rappe sur un beau sample. Parler de love aujourd'hui, ça me semble impossible. L'amour.